Vous écoutez un podcast Galaxy Pop, explorateur d'univers, vecteur d'émotions. La flamme vacille, les ombres dansent, le voyage continue. Dark Souls 2. Il y a un puits à Majula, juste là, au centre du village fatigué. Entre la mer grise et la falaise qui semble vouloir s'effondrer à tout instant. Un gouffre béant, profond, silencieux, que personne ne regarde trop longtemps. Un trou noir, une cicatrice dans le sol, un appel sourd vers l'inconnu. Et pourtant, on sait qu'un jour, tôt ou tard, on devra y descendre. Et c'est Gilligan, le vendeur d'échelles, qui me l'a permis. Un petit escroc attachant, un type râleur et un peu désabusé qui ne croit en rien sauf en la gravité. What's it like at the bottom of the hole? And why in the hell would I know? You want to go down that awful hole? You must have lost your marbles. Fine, sure, fine. I'm happy to be of service. You need a ladder then, sure enough. But you'll have to show some generosity. Now, exactly how generous are we talking, Well, really, a very generous offer indeed. Especially from you. I get such a warm feeling inside when I get the chance to help others. Et en la rentabilité, faut bien l'admettre. J'ai payé son prix, il a installé ses échelles branlantes, ses cordes fatiguées et ses ponts fragiles. Et moi, je suis descendu. Première halte, le tombeau des saints. Une nécropole oubliée, rongée par le temps et dévorée par les rats. Il règne ici en maître silencieux, une population invisible mais dangereuse. Un peuple oublié qui vit dans les ombres et les recoins pourris. Leur roi, une silhouette à peine plus grande, une crinière hirsute, rien d'impressionnant si ce n'est l'ironie cruelle. Un trône fait de crânes pour une armée de vermines. Je les ai combattus, j'ai combattu l'avant-garde du roi Ra. Mais pas avec colère ni haine, mais avec la lassitude résignée de celui qui sait qu'il devra le faire encore et encore. J'ai donc battu ces rats, puis l'avant-garde du roi Ra. C'est un rat avec une crête. Bon, il arrive un peu plus tard et une fois qu'il est mort, ben, tous les rats ils arrêtent de se battre et c'est bon, on a gagné. Voilà. Autant vous dire que ce combat, voilà. Quand l'avant-garde du roi est tombée, on m'a donc proposé de rejoindre leur cause et de défendre ce royaume du rebut et des oubliés. Mais non. Je suis peut-être perdu dans ce monde fracassé, mais je ne suis pas encore devenu un rat. Bien que leur raisonnement ait une logique sombre qui ne me déplaît pas franchement. Puis vient le dépotoir. Son nom même a ressemblé à tout semblant d'espoir. Un endroit abandonné par toute dignité, où j'ai glissé, chuté à l'aveugle, rampé dans l'obscurité moite et toxique. Les murs suintent d'humidité et de moisissure, le sol tremble sous mes pas, menaçant de céder. Le bois pourri qui compose ces échafaudages branlants menace de s'écrouler à chaque pas. Tout ici semble vouloir me punir, m'empoisonner. Mais j'ai pas demandé à venir, moi, je hais cette zone. Sincèrement, pas pour sa difficulté, un peu quand même, mais parce qu'elle est méprisante, elle suinte littéralement de mépris, elle me crache à la gueule, cette zone. On ne vous défie pas ici, non, on vous débarrasse, comme un sac de merde trop plein, une charge inutile, une erreur à effacer. Et moi, au milieu, à essayer de trouver un sens, une logique dans ce labyrinthe d'ordures et de poisons. Mais encore plus bas, il y a le ravin noir. Un couloir étroit et suffocant, gorgé de poison épais, envahi par des statues qui vomissent la mort silencieuse. Et puis il y a ces choses. Des mains humaines gigantesques, des bras qui émergent lentement de flaques noires, comme si le monde lui-même tentait de m'attraper, de me retenir dans son oubli abyssal. Mais cette fois, j'étais prêt. J'ai sorti mes flèches enflammées, et une à une, j'ai brûlé ses mains cauchemardesques. J'ai nettoyé les zones. Pas par fierté ou gloire, hein, non, juste pour respirer et être tranquille. Et je l'ai fait jusqu'à temps que les mains ne réapparaissent plus. Et j'ai cassé toutes ces statues empoisonnées. Et là, j'ai marché tranquille. Comme un chef. Et c'est ici que je retrouve Lucatiel. Elle ne parle toujours pas beaucoup, mais elle est là. Elle aussi descend dans ce gouffre. Et elle aussi oublie son nom, son visage, ses raisons d'être même. Un miroir de moi, trop fidèle et trop cruel. Au bout du ravin, une porte brouillard, et derrière, la charogne. Pas vraiment un être vivant, une masse informe, une sorte d'idée tordue, un amas de membres, de chair et de voix oubliées, entremêlées. Un amoncellement de cadavres qui ne meurent pas, parce que, tout simplement, il a oublié comment faire. Le combat est lent, douloureux, il pue la douleur, et chaque coup que je porte semble réveiller une souffrance ancienne. Pas la mienne, la sienne. Je me défends, je tranche un bras, par exemple, mais je tiens. Et, avec Lucatiel à mes côtés, nous abattons cette abomination. Pas avec gloire, encore une fois, hein, mais avec épuisement, avec la lassitude de ceux qui ne croient plus aux victoires. Derrière lui, j'ai allumé un prime-feu, comme on remonte une vieille montre arrêtée. C'était le troisième, et pendant un instant, j'ai cru que rien ne changerait. Et tout d'un coup, explosion et la flamme a parlé. Pas vraiment avec des mots, mais avec une forme mouvante, un brasier en mutation, une présence instable, hésitante, comme si elle ne savait pas si elle devait me brûler ou me supplier. Et puis, la forme a parlé. Aldia. Un nom que je connaissais un peu, mais une voix impossible à oublier. Il ne m'a pas félicité, évidemment. Il ne m'a pas remercié non plus, évidemment encore. Mais il m'a posé des questions. Des questions trop précises, trop intimes, et là c'est vachement moins évident. Sur ce que je cherche, sur pourquoi je marche, sur ce qui m'attend au bout du feu et du chemin. Et il n'était ni en colère ni moqueur, juste grave. Comme s'il savait déjà que j'avais pas les réponses. Comme s'il savait que je ne les cherchais même plus vraiment, et que lui-même ne les avait pas. Il est reparti sans bruit, la flamme s'est calmée, mais quelque chose ici était différent. Et je me suis surpris pour une fois à m'écouter. À entendre des questions que je n'osais pas dire, des questions calmes et posées, sans promesses évidemment, mais juste là. Comme si cette voix, cet érudit, avait compris ce que les autres ignoraient, que le doute peut être plus fort qu'un serment, que la volonté. Je n'ai pas de réponse, et lui non plus, mais peut-être que c'est pas si grave. C'est mon troisième prime-feu. Troisième preuve que j'avance, troisième brasier allumé au cœur du monde. Mais à la surface, en surface, ben rien ne change. Je ne suis ni vraiment plus fort, ni plus sage. Alors oui, mes statistiques augmentent, mais c'est pas de ça que je parle. Et je me sens juste, toujours, encore un peu vide. Et puis je comprends quelque chose. On ne vainc pas la charogne, on évite de la rejoindre. Parce qu'elle, elle a oublié. Elle, elle a renoncé à tout, et elle, elle absorbe ceux qui s'arrêtent, ceux qui s'abandonnent, ceux qui abandonnent, et ceux qui se perdent dans le gouffre de l'oubli. Mais moi, je ne m'arrête pas. Pas encore, en tout cas. Ici, il reste deux passages, deux portes qu'un œil inattentif n'aurait pas vues. Elles sont plongées dans l'ombre et en contrebas. Il faut une certaine foi pour aller les trouver. Dans l'une, il y a des géants cachés dans l'obscurité. Une clé également, froide et lourde. Je ne sais pas encore ce qu'elle ouvrira, mais elle ouvrira des portes, notamment une un peu au-dessus. Et derrière, cette porte au-dessus, justement, un homme. Grandal. Ouais, je sais, ils n'ont pas été chercher le nom très loin. Ah, look how far this undead has wandered. And a very fit undead you are. A bit too alive, but with a darkish shadow. Yet still unprepared for a deeper dark. Un vieillard noir assis dans les ténèbres épaisses. Il parle de serments, de vérités interdites, et d'un monde qu'on ne doit pas voir, de mensonges plus anciens que le temps lui-même. Je l'écoute, mais je n'entends plus grand-chose. Et je remonte. Non pas vers la lumière, non, pas vraiment, mais vers Majula. Et Majula n'est pas un espoir, c'est juste un point fixe. Je m'assieds près du feu, celui qui vacille, mais il ne meurt jamais vraiment. Ça me rappelle un petit peu des choses. Et je regarde la mer, le ciel, les ruines. Trois primes feux, trois victoires, et donc normalement trois raisons de continuer. Mais pourquoi je continuerai? Toujours ce doute. Je ne suis plus tout à fait moi, mais je ne suis pas encore la charogne. Juste un souvenir qui marche et qui porte lui-même d'autres souvenirs. Un nom qui avance pour ne pas se dissoudre. La semaine prochaine, on reprendra la route. Pas pour comprendre, encore une fois, mais toujours pour ne pas sombrer. Et si je trébuche, eh bien, j'espère juste que vous ne me retrouverez pas dans la charogne en train de vous tendre la main.